Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la tragédie du Laurier Palace en janvier 1927. Il y a une madame sur le Bourbonnais, près de chez moi, là. Elle a perdu trois petits frères là-dedans, des petits barils. Puis quand on a entendu passer les pompiers, c'était quoi, la fin d'après-midi? C'était en plein après-midi, en plein après-midi. Puis il y en a du monde qui disait, ah, ben, mais ton petit gars, il est pas là parce qu'il était parti au vert. Tout le monde a su que le feu était prêt au cinéma. Hein? Oui, mais c'est parce qu'ils ont été piétinés, les portes qui ouvraient à l'intérieur dans le temps. Le 9 janvier 1927, 78 enfants vont perdre la vie dans l'incendie accidentel du cinéma Laurier Palace à Montréal. Des années plus tard, le souvenir qu'en garde Irène Gagnon, une résidente du quartier où se produit l'incendie, son souvenir reste donc très, très vif quand elle en parle à l'animateur Pierre Paquette à l'émission Le Temps de vivre en 1981. La tragédie du Laurier Palace va marquer profondément toute une génération, en plus de fermer les portes des cinémas québécois aux moins de 16 ans pendant des décennies. On s'est aperçu une fois qu'il y avait de la fumée, vous savez, ce que sur l'écran, là. Fait que là, on a décidé de s'en aller. Il y a quelqu'un qui a crié, il y a quelqu'un qui a dit au feu, quoi. Il y en a qui criait au feu, sauvons-nous, sauvons-nous. Puis là, il fallait absolument sortir par où on avait rentré. C'est-à-dire? Parce qu'il n'y avait pas d'escalier de sauvetage, là. Il n'y avait rien. Il y avait un escalier pour descendre? Ça veut dire, là, la panique a pris. Et puis, ça a commencé à tomber, un par-dessus l'autre. Puis, j'étais couché sur le plancher, moi. Vous êtes couché sur le plancher? Il y en a-tu par-dessus vous, non? Ah oui, c'était... Il y en a plein d'autres par-dessus vous? Exactement. Vous êtes en dessous de la pile, je m'excuse de dire ça, mais c'est de même que ça s'est passé. C'est ça qui m'a sauvé la vie, ça. Comment ça se fait? Parce que sur le plancher, c'est pas supposé d'avoir de boucan. OK. Comment vous êtes sorti de là, finalement? Ils sortiraient de là un des derniers. Ils ont sorti les cadavres, vous voyez. Ils m'ont sorti par après. Léon Gadoury, un survivant de cet incendie du Laurier Palace au micro de Pierre Paquette à l'émission Le Temps de vivre en 1981, pour nous raconter la tragédie du Laurier Palace, qu'elle nous dit aussi sur l'époque, sur le milieu dans lequel se produit cette tragédie. L'historienne Magda Farny, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, qui vient d'ailleurs de remporter plusieurs prix grâce à un article qu'elle a publié sur cette tragédie de l'incendie du Laurier Palace. Magda Farny, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette tragédie du Laurier Palace, on l'a un peu oublié. Pourtant, au moment où ça arrive, ça a un impact énorme dans la société du temps. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en partie, son impact était tellement important puisque c'était une affaire du quartier. C'était une tragédie du quartier. Sur les 78 enfants qui sont décédés, il y en avait 70 qui habitaient à quelques coins de rue du cinéma. Alors, tout le monde se connaissait. Les parents se connaissaient, les enfants se connaissaient. Les pompiers, les policiers qui sont arrivés sur scène les connaissaient. Et donc, je pense que l'impact a été d'autant plus grand qu'on avait ici vraiment une histoire du quartier. Évidemment, l'autre aspect qui est très, très important, c'est qu'il s'agissait d'enfants. Oui. Okay? Donc, de très, très jeunes, des enfants entre l'âge de 5 ans et 18 ans environ. Et qui meurent, on l'entendait un peu avec le témoignage de M. Gadoury, mais de manière absolument bête et tragique. Justement, revenons un petit peu plus en détail, parce que c'est court ce qu'on vient d'entendre. Rappelez-nous tout de même, avec un peu plus de précision, ce qui se passe ce 9 janvier 1927. Voilà. Alors, c'est un dimanche après-midi. C'est le dernier jour de congé avant que l'école reprenne, après les fêtes de Noël. Alors, c'est comme le dernier jour des vacances, en fait. 250 enfants se trouvent au cinéma Laurier Palace cet après-midi d'hiver. Et sur ces 250 enfants, il y en a, comme vous l'avez dit, 78 qui vont mourir. Le feu prend. Il y a la panique. Le gérant du cinéma recommande aux enfants de retourner au balcon, en fait. Et donc, visiblement... Parce que c'est vraiment ceux qui sont au balcon qui seront touchés. Qui sont les plus touchés. Parce qu'il y a 800 personnes dans le cinéma, ou peut-être même un peu plus. Tous ceux qui sont au parterre vont réussir à sortir, ou à peu près, je pense. Oui, c'est ça. C'est 250 enfants, plus quelques adultes, en fait. C'est ça. Donc, c'est ceux qui sont pris au balcon, en fait, qui sont les plus touchés, en effet. Et c'est là où la panique prend, en fait, parce qu'ils ont de la difficulté à sortir. Oui. Et donc, au secours, nous disait M. Gadoury, la panique est de la partie. Le problème, c'est qu'il y a un seul escalier. Oui, tout à fait. Et en bas de l'escalier, il y a une porte qui s'ouvre dans le mauvais sens, en fait. Donc, les enfants poussent, en fait, sur la porte et n'arrivent pas à sortir. Parce que la porte s'ouvre de l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et comme il y a une empilade, les enfants bloquent la porte, finalement. Tout à fait. Et c'est un mêlé, en fait, parce que, justement, on leur dit, mais retournez au balcon, vous serez plus en sécurité en haut. Ouais. Donc, il y a ça qui se passe aussi. Bon. Ouais. Les secours arrivent très rapidement. Oui. Il y a une station de pompiers juste à côté. Comment expliquer qu'ils ne pourront pas sauver plus d'enfants, Magda Farny? Mais je crois qu'ils arrivent, comme vous l'avez dit, il y a quand même 150 qui sortent, en fait, 150 enfants qui sortent. Donc, ils arrivent à sauver ceux qui sont en bas, ceux qui sont au rez-de-chaussée. Je pense qu'on a ici cette empilade, on a ces enfants qui retournent au balcon. Je pense qu'ils commencent par ceux qui sont au rez-de-chaussée, mais c'est vraiment ceux qui sont en haut qui sont mal pris, en fait, puis qui n'arrivent pas à sortir. Parce qu'effectivement, il y a des pompiers qui sont sur place très, très rapidement. Il y a des policiers, il y a des notables locaux aussi. Donc, c'est pas par manque de personnel, en fait. Mais c'est vraiment, je crois que le fait que les enfants soient pris dans la cage d'escalier qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas sortir. Et quand ils arrivent, ces secouristes, évidemment, c'est une scène d'horreur qu'ils ont sous les yeux. Oui, c'est une scène d'horreur qui est intensifiée, si on veut, justement par le fait que ce soit une histoire locale. C'est-à-dire les pompiers et les policiers reconnaissent les enfants. On a l'histoire bien connue d'un pompier qui, finalement, découvre que ses trois enfants, à lui, en fait, étaient au cinéma cet après-midi-là. Chose qu'il ne savait pas, en fait. En prêtant secours, il voit ses trois gamins. Il découvre un par un, en fait, ses enfants. Il y a une autre scène qui est très touchante dans cette affaire-là. On va évacuer des enfants, des cadavres, en fait. Oui. On en sauvera quelques-uns. Oui. On va évacuer des cadavres qui vont être exposés. On va les mettre sur le trottoir. C'est un peu l'urgence. Mm-hmm. Et là, il y a cette autre scène où des parents, parce qu'évidemment, vous le disiez, tout le monde se connaît dans le quartier. Oui. La rumeur court très, très vite. Oui. Et les parents se présentent, paniqués, se croisant les doigts, mais en cherchant, est-ce que mon enfant est dans les victimes? Oui, tout à fait. Et ce qu'on a découvert, ce que j'ai découvert dans les enquêtes et les entrevues qui ont été faites après la tragédie, c'est qu'il y avait bon nombre de parents qui ne savaient même pas que leur enfant était au cinéma cet après-midi-là. Et donc, il y en a qui le savaient, qui se présentent tout de suite sur scène, en fait. Mais il y en a d'autres qui le découvrent plusieurs heures plus tard, quand ils s'en rendent compte que finalement, mon garçon n'est pas revenu à la maison. Est-ce que c'est possible qu'il était au cinéma? Donc, il y a cet aspect d'ignorance, finalement. Oui. Des enfants qui sont allés sans consulter leurs parents, sans demander la permission. Oui. Cette tragédie-là va avoir un impact énorme dans le quartier, à Montréal, dans tout le Québec, ailleurs, en fait. Même, on parlera de ça même aux États-Unis. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça fait les manchettes, par exemple, à Chicago, à New York, d'autres grandes villes industrielles, d'autres villes où les loisirs commercialisés ont eu un certain impact, où une culture des loisirs commercialisés se met en place. Et donc, justement, ça devient une histoire, une tragédie... qui a une certaine leçon morale, en fait. On se dit, bon, si ça s'est produit à Montréal, ça pourrait se produire à Chicago, à New York, à on Toronto. On s'identifie. Oui, tout à fait, tout à fait. Il fallait des anges au paradis, des chérubins au blanc de fête. Qui fait pour toi, Dieu vous a pris votre sang. La tragédie de Laurier Palace va évidemment ébranler la population montréalaise, on en parlait à l'instant. Ça va même donner lieu, Magda Farny, je ne sais pas si vous la connaissiez, cette chanson. Non. Elle sera écrite très peu de temps après la tragédie du Laurier Palace, chanson de Louis-Roméo Baudry, « Il fallait des anges au paradis ». Comment va réagir la population de Montréal, la population du Québec et du pays à cette tragédie? Mm-hmm. Bon, évidemment, la première réaction, c'est la tristesse, c'est le choc, c'est la tristesse. Mais il y a aussi de la colère. Et c'est l'une des choses qui m'intéresse dans le texte que j'ai écrit, c'est justement cette réaction de parents, de citoyens indignés. OK, en colère, parce que les enfants n'avaient pas le droit d'assister, de fréquenter le cinéma sans qu'un adulte soit présent. C'était ça la loi. C'était ça la loi. Donc, un enfant de moins de 16 ans. Les enfants pouvaient aller au cinéma en autant qu'il y ait un adulte qui les accompagnait. Mais ce qu'on a découvert dans les heures qui ont suivi la tragédie, c'était qu'il y avait bon nombre d'enfants au cinéma Laurier Palace sans adultes. Donc ça choque. Donc ça, ce qui choque, c'est pas forcément que les enfants essaient d'aller au cinéma sans adultes. Ce qui a choqué, c'est que les propriétaires du cinéma n'ont pas respecté la loi provinciale, la loi québécoise. Ce qui choquait aussi, c'est que les enfants ne soient pas en sécurité dans un cinéma du quartier. Parce que c'était, comme je l'ai dit, leur quartier. C'était un petit cinéma, on n'était pas au centre-ville, on était chez eux, en quelque sorte. Dans la banlieue industrielle qui était Hochelaga à l'époque, en fait, le risque était partout, le danger était partout. On s'attendait à ce que l'usine soit dangereuse, à ce que le port ou le chantier soit dangereux. Mais qu'un petit cinéma du quartier soit dangereux pour les enfants un dimanche après-midi, c'était ça qui heurtait, je crois, les sensibilités de la population. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est effectivement, et ça nous ramène au milieu dans lequel ça se produit à l'époque, il y a une conscience du risque dans ce milieu-là, mais le risque pour le père qui est à l'usine, tout le port, comme vous dites, mais pas le cinéma. On ne pense pas qu'on va perdre ses enfants au cinéma. Oui, tout à fait. Puis le risque associé au travail, les accidents du travail, par exemple, était compensé par le salaire. Et donc, on faisait le calcul, on se disait, bon, le travail comme débardeur, il est risqué, mais au moins, je gagnerais un salaire. Mais que les enfants soient mis à risque, en fait, au cinéma, c'est ça qui choquait. Évidemment, les autorités politiques vont réagir aussi. Ouais. La réaction, elle va déboucher carrément sur la création d'une commission d'enquête sur cette tragédie. On écoute l'historien Yvan Lamonde en parler à l'émission Le matin de la fête en 1980. Immédiatement après l'incendie, l'Église, l'évêque et certains personnages du gouvernement municipal vont demander qu'il y ait enquête sur cet incendie. Le juge Boyer fait donc enquête pendant environ 3-4 mois et publie un rapport sur cette question. Essentiellement, ce rapport avait à prendre position sur l'âge d'admission dans les salles. Auparavant, la loi précisait que les enfants pouvaient être admis, même les enfants de 16 ans et moins, pouvaient être admis soit avec leurs parents, soit avec un tuteur ou un adulte. Mais il s'agissait qu'un enfant se trouve à la salle et qu'il demande d'un œil charmeur et sympathique à un adulte dans la file, « Voulez-vous me faire entrer? » L'adulte le faisait entrer. Dorénavant, seuls les enfants de 16 ans et plus seront admis dans les cinémas et la preuve devra être faite par le propriétaire de cinéma que l'enfant a au moins 16 ans. Ah, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Magda Afarny. D'abord, puis vous l'avez un petit peu évoqué, cette étrangeté. Il y a une loi. En principe, il n'y a pas d'enfants de moins de 16 ans qui peuvent aller au cinéma sans la présence d'un adulte. Pourtant, il y a 250 enfants ce jour-là au Laurier Palace. Comment expliquer qu'il y ait eu autant d'enfants? Puis ça, vous vous y intéressez beaucoup dans votre article, qu'il y a eu autant d'enfants alors que c'est interdit par la loi. Oui, c'est tout à fait intéressant. Puis ça démontre, je pense, une certaine tolérance au quotidien, en fait, d'une autonomie juvénile. C'est-à-dire que pour les enfants de ce quartier, aller au cinéma le dimanche, c'était parfaitement envisageable. Et leurs parents étaient souvent au courant du fait qu'ils y allaient. Ce que j'ai découvert dans les enquêtes qui ont suivi la catastrophe, en fait, c'était que les parents n'étaient pas toujours d'accord. Très souvent, ça semble avoir été la mère qui a dit aux enfants, mais allez-y, ça vous permettra de passer 2 heures en compagnie de vos amis. Ça me permettra à moi, c'est pas ça qu'elle disait, mais probablement qu'elle le pensait, de faire un peu de travail à la maison sans que vous soyez Parce qu'il y a des familles nombreuses, hein, mais faut c'est le rappeler. Ça, c'est des familles nombreuses dans des appartements assez petits, en fait, entassés. Souvent, les pères disaient qu'eux, ils n'étaient pas d'accord pour que les enfants fréquentent le cinéma. Est-ce que c'était véritablement le cas? Est-ce que c'était plus commode de blâmer la mère parce que c'était le père qui était censé détenir l'autorité parentale, en fait? C'était peut-être il y avait peut-être un peu de jeu dedans. Ouais. Mais ce qui est très clair, c'est que beaucoup de parents du quartier étaient au courant du fait que les enfants fréquentaient le cinéma sans adultes. Et de fait, il y a malgré tout, même si c'est un d'un milieu économiquement défavorisé, les enfants ont quand même un mm-hmm. peu d'autonomie financière. On va au cinéma dans ces quartiers industriels comme celui de Schlager. Tout à fait. Et parfois, on y va 3-4 fois par semaine. C'est ça qui est intéressant. Puis, en cela, le cas de Montréal est très, très semblable à ce que les historiens ont découvert pour New York, Boston, Chicago. C'est-à-dire que les enfants, même dans un milieu ouvrier, mm-hmm. Étaient capables de trouver les petites sommes d'argent requises pour aller au cinéma. Parfois, ils faisaient des petits boulots, ils livraient des messages, ils livraient le journal, ils balayaient le cinéma, par exemple, en échange d'un billet d'admission. Ouais. Donc, même dans un quartier ouvrier, en fait, c'était pas du tout impossible qu'un enfant trouve l'argent nécessaire. Puis cette fois-là, le 9 janvier, ce qu'on a découvert après l'incendie, c'était que beaucoup d'enfants se sont servis de l'argent qu'ils ont reçu pour Noël, fait, pour y aller. Ouais. Yvan Lamonde parlait aussi, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, de la réaction du clergé qui va réagir très, très rapidement après cet incendie. Quel rôle va jouer le clergé dans cette affaire-là, Magda Farny? Mais la première chose à dire, c'est que c'était pas un rôle qui était homogène. Hein? C'est-à-dire que certains membres du clergé ont réagi. Le fait que ce soit passé un dimanche, ils jouaient pour beaucoup. Okay. Mais ce qui jour est... du Seigneur. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, et c'est une des spécificités montréalaises, québécoises, je crois, de cette histoire, c'est qu'il n'y a jamais eu chez les catholiques cette idée très, très stricte qu'avaient beaucoup de protestants à l'effet que le jour du Seigneur devrait être justement un jour de repos. Le juge Boyer, par exemple, qui va mener l'enquête, la commission royale d'enquête, va dire, bon, chez les catholiques, on a tendance, on a l'habitude, on a la tradition, en fait, d'aller à la messe le matin, puis d'aller au cinéma l'après-midi. Ouais. Donc, c'est une attitude qui est beaucoup plus ouverte, je dirais, que chez les méthodistes, par exemple, en Ontario, pour lesquels le cinéma, le dimanche, ça aurait été impensable. Il est vrai que certains membres du clergé, on pourrait penser à la Ligue du dimanche, par exemple, vont réagir et vont dire ben, il faut fermer les cinémas oui. le dimanche. Mais ce n'est pas ça, finalement, l'approche qui va être adoptée. Mais de fait, il y a des historiens qui voient dans cette affaire du Laurier Palace, mm-hmm. dans les conséquences que ça aura, parce que la commission Boyer va déboucher sur cette recommandation. Mm-hmm. On ne pourra plus, le cinéma mm-hmm. sera interdit au moins de 16 ans au Québec, puis ça va durer des décennies. Pour certains, c'est un formidable geste de... une manière de censure, une récupération peut-être morale, parce que l'Église voit, une certaine Église, en tout cas mm-hmm, certains hommes mm-hmm. de l'Église, voient dans le cinéma quelque chose de subversif presque. On écoute là-dessus, c'est intéressant parce que c'est en 61, mm-hmm. au moment où la loi permettra à nouveau aux adolescents d'aller au cinéma, on écoute le billet du journaliste Roger Champoux parler de ce que lui perçoit mm-hmm. comme une forme de récupération morale, dont on se sort enfin. Les enfants seront admis au cinéma. Le fait est banal en soi, mais dans le Québec et notre ville, il prend la dimension d'un événement et s'en est un. C'est la tragédie du Laurier Palace qui a obnubilé nos dirigeants au point que depuis 33 ans, le problème de l'admission des adolescents, c'est-à-dire d'au moins de 16 ans, n'a jamais été examiné. Le cinéma est de plus en plus à la recherche d'une clientèle. Et si on peut lui reprocher des excès, des fautes grossières, des sujets parfois scandaleux, il est injuste de dire qu'il est un art néfaste, axé uniquement sur l'exploitation la plus abjecte. La salle obscure ne portera plus un stigmate infamant, mais sera un grand et beau livre rempli d'images merveilleuses, accessibles désormais aux petits Québécois, comme elles le sont depuis Belle Lurette aux petits Ontariens. Il y a des parents intelligents dans les deux provinces, n'est-ce pas? Ils sauront donc faire le choix. C'est intéressant, cet extrait, Magda Farny. Est-ce qu'il y a eu... Il y aura tout un réseau de salles paroissiales que développera l'Église? Parce qu'il y a quelque chose avec le cinéma, on est craintif. Est-ce qu'il y a eu une forme de récupération morale? Oui, mais je trouve que la décision prise au lendemain de la commission Boyer, en fait, c'est-à-dire... que le cinéma reste ouvert le dimanche, mais qu'on interdit le cinéma aux enfants, c'était un compromis politique assez intéressant, assez commode, dans le sens où les ouvriers pouvaient continuer à fréquenter le cinéma le dimanche, après la messe. Donc, on n'était pas en train d'aliéner les électeurs ouvriers. Mais on interdisait le cinéma aux enfants qui, de toute façon, ne pouvaient pas voter, qui n'étaient mm-hmm. pas des joueurs politiques dans ce sens-là. Donc, oui, c'est-à-dire ça répond à certaines craintes morales, mais tout en gardant une clientèle le dimanche, une clientèle adulte le dimanche. Oui, alors moi, je vois ça comme un compromis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'État décide très, très clairement au lendemain de cette tragédie que l'autorité parentale n'est pas suffisante, que l'État doit intervenir parce qu'ils avaient bien vu que finalement, les enfants n'avaient pas le droit d'y aller seuls, mais ils allaient de toute façon. Alors là, ça prend l'État qui intervient puis qui dit il n'y aura plus d'enfants au cinéma. Et puis les propriétaires, puis on va revenir à cet incendie du Laurier Palace, au procès qui va suivre. Le propriétaire de la salle, deux de ses employés vont subir un procès. Parlez-nous des conclusions du procès, mais j'allais dire, les propriétaires, et celui-là en particulier, de salles de cinéma, connaissent la loi, mais en font pas grand cas, finalement. Oui, tout à fait. Et puis la famille Lawande, en fait, était propriétaire de plusieurs cinémas à Montréal, donc c'était pas le seul cinéma qui les appartenait. Ce qui est clair, c'est que les règlements étaient bien connus. Il y a plusieurs enquêtes qui sont établies après l'incendie. L'enquête du coroner va décider très, très clairement que Lawande et ses employés étaient négligents. C'est la négligence criminelle. Les tribunaux criminels vont donner le verdict d'homicide involontaire. Et ils vont faire une peine de prison. Sauf que le verdict va être annulé par la suite. Parce que la difficulté, et c'était une difficulté très, très réelle, c'était d'établir un lien direct entre le fait que le propriétaire n'a pas respecté les règlements municipaux et la loi québécoise et la mort de ses 78 enfants. C'est-à-dire, pour un observateur, un témoin, on pourrait bien y voir un lien. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas de lien causal direct aux yeux de la loi. Et donc, finalement, ils ne vont jamais terminer leur peine de prison. Oui. Vous avez publié un article, donc, puis on en a parlé tout au cours de l'émission. Mm-hmm. Il y a des éléments intéressants. Cette tragédie nous ramène à l'époque, au contexte de l'époque, au contexte de ce milieu industriel urbain dans lequel se produit cette tragédie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce que nous révèle cette affaire sur l'époque, sur le milieu dans lequel elle se produit? Je crois que les sources, les archives produites par cette tragédie nous donnent une très, très rare occasion, en fait, de pénétrer un peu le milieu familial de l'entre-deux-guerres, un milieu ouvrier. Et ce sont donc pas des personnes qui ont légué des journaux intimes, la correspondance, comme l'ont fait les familles bourgeoises. Ce sont des familles, finalement, qu'on connaît très, très peu, que les historiens connaissent très peu. Et puisque cet incendie a suscité plusieurs enquêtes où les parents ont été interviewés, les sœurs, les frères ont été interviewés, les voisins ont été interviewés. On a les paroles même de ces familles, de ces résidents du quartier Hochelaga. Et ça, c'est très, très précieux pour un historien parce que ça nous permet de comprendre comment les enfants voyaient leur quartier, est-ce qu'ils appréciaient les loisirs commercialisés, ils y allaient en gang, ils y allaient avec des amis, des camarades de classe, avec la fratrie. Ça nous permet aussi de voir des différences d'opinion entre père et mère, entre mari et femme. Ça nous permet de comprendre un peu la dynamique familiale. Et comme je vous l'ai dit, c'est tellement rare d'avoir des sources qui nous révèlent ces décisions quotidiennes, mais très, très intimes, en fait. Alors, pour moi, c'est parmi les nombreux intérêts, en fait, de cet épisode. Magda Farny, c'était passionnant. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Magda Farny, je vous le rappelle, est professeure d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.